Goldorak, bonsoir. Salut Francky, salut Gégé. Attends, il s'appelle pas Francky, d'accord, s'il te plaît. Bon, allez, c'est bon. Ouais, ouais c'est bon, si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix. Bon, voilà. Gégé, tu te calmes déjà. Non, mais attends, je me calme. Je me calmerai si je veux. Parce que c'est pas toi qui reçois toutes tes saloperies dans ta boîte aux lettres, ok? En tant que bon entendeur, salut. Okay. Alors, on t'écoute, on écoute. Ok, alors les petites statistiques et un petit sondage. Alors, j'ai fait un petit sondage donc sur ce que pensent les gens de GG, bien que GG n'aime pas les sondages. Alors, 2% des gens le trouvent agréable. 1% des gens le trouvent cohérent dans ses débats. C'est large. Ok. Ensuite, 38% des gens le trouvent vulgaire. Ouais. 22% désagréable. 7% mm-hmm. trop impulsif, mm-hmm. 11% moche, mm-hmm. 7% sale, mm-hmm. et 3% trop dilaté du derrière. D'accord. Alors moi je vais te dire une chose, ouais. 100% sale. 100% sale, c'est clair. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Eh ben moi je vais te dire une chose, je m'appelle pas de nommer Samir qui vient avec une chemise non repassée à la loco. Moi je viens à la loco sans arrêt avec des t-shirts propres et repassés. Ouais okay. Ouais attendez, attendez, attendez. Je me fais pas payer la place pour profiter d'un auditeur à la radio. Oh, ok. Ouais voilà. Ah, il est en forme, Gérard, ce soir, Goldorak, t'as intérêt à t'accrocher par tes statistiques, car ça risque de varier d'ici demain. Ah, je sais pas si c'est le fait d'être venu me voir hier dans la nuit, mais ça l'a remonté, il est surexcité. Hein. Là, attends. D'habitude. T'as pas besoin de. De manière, tu n'en auras pas. Bah, alors, c'est clair, Goldorak, on prend la statistique, on vit très vite, très vite. Alors, le point, c'est ça, que... ce que t'attends. Bon, Gégé, tu t'assois, tu te calmes. Ouais, bah, je me calmerai si je veux. Ok. Tu m'écoutes. Alors, le problème avec le débat de la semaine dernière sur les positions sexuelles de Cunilingus, encore une fois, c'est les insultes. Alors, il a pété le score avec 271 insultes, soit une toutes les 33 secondes. Et moi, j'ai mon patron qui est venu me voir en me disant que ça allait plus du tout. Tu dis beaucoup trop d'insultes. Mmh. Alors, pour citer, on a fils de pute couille, je te recule, ouais. Je te prends la chatte, ouais. Faire foutre. Attends, et Goldorak, t'es patron de quoi là? Le patron du, tu sais, en fait, je travaille pour le BVP, là, tu sais, le bureau de vérification de la politesse. Non, mais attends. Non, mais attends quoi? Attends, t'as quel âge, Goldorak? J'ai 22 ans, on est détaché au ministère. Non, mais attends, t'as 22 ans, t'es détaché. Non, mais attends, t'es pas détaché d'une nana qui Bon, ben. T'es pas détaché d'une secrétaire de France 2 par hasard? J'ai une gueule de secrétaire de France 2, t'es tard? Non, parce que j'ai une dénommée, une nana de France 2 qui m'a envoyé un courrier, hein, qui me dit qu'elle est, elle est secrétaire du journaliste de France 2, de Patrick Sen, j'ai pas peur de citer les noms. Ouais, c'est vrai. Hein, ah, elle m'a donné un numéro, c'est un faux numéro. Hein, alors, là-dessus, sur les paparazzis, si la nana m'entend, même si Patrick Sen m'entend, et ben vous, les journalistes, vous êtes des connards. Je suis pas un journaliste, ouais. Non, mais j'en ai rien à foutre. Les journalistes, c'est des connards. Mais Gérard, est-ce que t'es prêt, si Patrick Chen nous écoute, à aller sur le journal de France 2 pour en parler? Non. Pourquoi? Non, ils ont qu'à venir ici. Ouais. Et moi, je vais régler mes comptes avec eux. Parce que les paparazzites, quand on me dit, est-ce que les paparazzites sont aussi cons que les journalistes? Eh ben, je suis désolé, ils sont aussi cons. Ouais, non, hein? Parce qu'on suit pas quelqu'un en moto, ni avec des voitures. Ni sur le d'accord pont d'Alma. Non, sur le pont d'Alma, d'accord, j'en parle pas. Ok. Mais il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin de savoir. Alors, on nous fait voir des trucs à la télé. Hein? Moi, j'ai suivi le journal télévisé ce soir. Hein? Hey, les enfants abandonnés, même les enfants maltraités, et ben ça, moi, je vais vous dire une chose, c'est dégueulasse. On n'a pas à en parler. On n'a pas besoin de faire des reportages là-dessus. Ouais. J'ai subi ça. Et je veux pas en faire subir les autres. Ouais. Toutes les nanas qui ont des enfants, je vous en supplie, les nanas qui sont mariées, même que vous avez des enfants, ne faites pas ce que... n'abandonnez pas vos enfants. Oh non, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Ok. N'empêche que Gégé... À cause de ta vulgarité, mon patron il m'a dit que d'après l'article QQ69 du code pénal, tu pouvais quand même aller au tribunal pour abrutissement des masses populaires, destruction de l'intelligence des jeunes. Bien sûr. Non, les masses populaires. Laisse-moi parler, GG. Pollution de l'antenne. Non, attends. Et t'es une sale gueule sur la voie publique de la Vendée FM. Mais attends, une sale gueule sur la voie publique de la Vendée FM. 10 ans d'internement et 4 ans de camisole. Mais c'est ça. Eh ben, t'as qu'à venir à Fun Radio. Pour l'instant, les 24 jeans du standard sautent. 4 ans de camisole, tu risques. Mais arrête tes conneries. Les 24 lignes, elles sonnent. Non, elles sonnent pas. Alors, regarde, c'est nul. Il n'y a personne qui t'appelle. Ouais. T'es trop vulgaire. T'es pas trop vulgaire. T'es trop vulgaire. Eh, regarde, merde, 29 fois. Putain, 10 fois. Connard, 13 fois. Fais chier, 30 fois. Va te faire foutre 13 fois. Reculé, 4 fois. Abruti, 3 fois. T'emmerdes, 2 fois. Je continue ou pas? Bah, continue si 69, tu veux. 69, pauvre tâche, fou. Attends, 69. Attends, attends, 69 quoi? Fils de pute. On va arrêter là, on va arrêter. Non, non, non, non. Attends. On va arrêter là.